وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Donc voici la traduction résumée de la parole du Cheikh Hafidhahullah. Après avoir loué Allah et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh a commencé par invoquer Allah pour lui demander la réussite et la rectitude, ainsi que tous nous guider et nous orienter vers la bonne voie. Il dit ensuite que le sujet de la conférence, le mérite de la hijra, est un sujet de très grande importance, car c'est sur cela qu'est fondée la pratique de la religion. Et il en a en partie démontré cette importance lors de la conférence précédente sur les dangers de rester en terre de mécréance. En effet, il fait partie des causes permettant à l'homme de pratiquer sa religion, qu'il se trouve parmi des gens vertueux et qu'il soit dans un pays où se trouvent la religion et la vertu. Et nous avons tous connaissance du hadith authentique rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, au sujet du récit de l'homme qui a tué 99 personnes. Nous ne pourrons pas mentionner le récit dans son intégralité en raison de sa longueur. Mais après avoir tué la 100e personne, qui était un ignorant, lui ayant dit qu'il ne pouvait pas se repentir, il s'est rendu auprès d'un savant et l'a interrogé. Ce dernier lui dit que rien ne l'empêchait de se repentir. Il s'est alors repenti et le savant lui a ordonné de quitter son pays, qu'il a décrit comme étant un pays mauvais. Et il lui dit « Rends-toi dans tel pays, tu y trouveras des gens qui adorent Allah et adorent Allah avec eux. » Ceci te démontre la raison immense pour laquelle on émigre. On fait la hijra des pays mécréants vers les pays musulmans ou d'un pays musulman vers un autre pays musulman qui est meilleur en termes de religion et de droiture. On tire donc cette leçon immense de ce récit. Il suffit, comme mérite à la hijra, des pays mécréants aux musulmans dans lesquels le serviteur peut accomplir l'adoration de son Seigneur, sur ce qu'a rapporté At-Tirmidhi d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, que lorsque le prophète est sorti de Mecca, il a dit « Tu es l'endroit que j'aime le plus, et si ton peuple ne m'avait pas expulsé, je ne serais pas parti. » Ils l'ont expulsé car ils étaient sur la mécréance et le polythéisme, et ils lui ont interdit d'extérioriser les rites de la religion. Et Mecca était alors une terre de mécréance. Le prophète a donc quitté Mecca. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc quitté Mecca, bien qu'il l'aimait beaucoup. Alors que dire d'un pays qui est détesté et dans lequel règne la mécréance, l'égarement et la corruption? Il n'y a aucun doute que l'ordre de quitter ce pays est bien plus confirmé. Parmi les hadiths démontrant le rang éminent de la hijra, il y a aussi la parole. Il y a aussi la parole du prophète lorsqu'il a dit « Si ce n'était la hijra, j'aurais été un homme parmi les Ansar. » Si ce n'était la hijra, j'aurais été un homme parmi les Ansar. Il a prononcé cette parole en raison d'un grand amour qu'il éprouvait pour les Ansar et pour démontrer le mérite de la hijra. Ceci te montre le rang éminent de la hijra et son mérite. Et comme cela est connu, le mot hijra signifie en arabe le délaissement, l'abandon. Que ce soit le délaissement d'une chose physique ou le délaissement d'une chose morale. C'est pour cela que la hijra se divise en deux catégories. Et la première et la hijra morale. Et personne n'est excusé par son délaissement. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas faire la hijra d'un pays mécréant à un pays musulman, ou qu'il ne peut pas faire la hijra d'un pays musulman dans lequel il y a des péchés et des innovations à un autre pays musulman meilleur que ce dernier, alors bien qu'il vive avec ces gens dans ce pays, il doit s'écarter d'eux ainsi que leurs lieux de rassemblement et des lieux de corruption. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cette forme de hijra lorsqu'il a dit: le muhajir, donc celui qui fait la hijra, est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Le vrai muhajir est donc celui qui délaisse ce sur quoi sont les gens parmi les péchés et les mauvaises actions. Le cheikh explique qu'il dit cela car il se peut que certains disent qu'ils ne peuvent pas faire la hijra vers un pays musulman pour des raisons administratives, à cause des frontières ou autres, et qu'ils sont contraints de rester dans ces pays. Malgré cela, ils n'ont aucune excuse les empêchant de délaisser ce sur quoi les gens sont parmi les péchés et les mauvaises actions. S'ils ne peuvent pas les blâmer, comme il est venu dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi vous voit une chose blâmable, alors qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le minimum de la foi. Et la hijra est liée à la mécréance. C'est-à-dire qu'elle n'est obligatoire que d'un endroit où se trouve la mécréance. C'est pour cela que lorsque Mecca est devenue une terre d'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a plus de hijra après la conquête. C'est-à-dire, il n'y a plus de hijra de Mecca alors que la hijra de Mecca était obligatoire. Pourquoi il n'y a plus de hijra de Mecca? Car une fois qu'elle est devenue une terre d'islam, il n'avait plus besoin de la quitter. Et dans le hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la hijra ne cessera que lorsque le repentir cessera, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et ce hadith se trouve dans As-Silsila As-Sahiha de l'imam Al-Albani. On a donc dit que le muhajir, comme il est venu dans le hadith, est celui qui délaisse ce qu'Allah interdit. Par conséquent, si un homme se trouve dans un pays où il y a des fitaines et des égarements, alors qu'il délaisse ce sur quoi sont les gens et qu'il ne se mélange pas à eux dans cela, le cheikh dit qu'il parle de cela car c'est une chose très importante, car beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas faire la hijra et Allah sait mieux ce qu'il en est réellement entre lui et eux. Mais quoi qu'il en soit, nous leur disons que le muhajir est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit, c'est-à-dire qu'il est obligatoire qu'il s'écarte des adeptes de la mécréance et des péchés, et qu'il ne se mélange pas à eux. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: l'adoration en temps de trouble, lorsque les gens s'entretuent, est semblable à une émigration vers moi. Et ceci ne concerne pas les pays mécréants, mais les pays musulmans. C'est-à-dire que lorsque les choses deviennent confuses, que les gens se divisent et qu'ils s'entretuent, alors le serviteur doit délaisser ce sur quoi sont les gens et se concentrer sur l'adoration. Quel est le mérite dans cette situation de se concentrer sur l'adoration? C'est comme s'il avait émigré vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont comme ceux qui ont émigré de Mecca à Médine, c'est-à-dire en termes de mérite et de récompense, mais ils n'ont pas le même rang que les compagnons. Ceci est donc ce qui concerne la hijra morale. Et le cheikh dit qu'il a abordé cela en premier, car cette hijra échappe à beaucoup de gens. Il a donc voulu dire aux musulmans qui vivent dans les pays mécréants ou dans les pays musulmans où ils ne peuvent pas pratiquer leur religion de manière correcte et dans lequel il y a des péchés, de la perversion et des choses blâmables, comme le mentionne nombre de gens de science, alors le cheikh dit que ceci est la voie empruntée. C'est-à-dire que si tu n'émigres pas physiquement, il reste obligatoire pour toi que tu fasses la hijra moralement. Même si tu vis parmi eux, c'est-à-dire en délaissant tout ce qu'Allah a interdit. En délaissant les endroits de perversion, etc. comme on l'a vu à travers les hadiths. Et il est important que tu saches qu'Allah ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Et Allah dit ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Et Allah dit inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Il n'y a vraiment rien qui échappe à Allah sur la terre ou dans le ciel. Donc celui qui dit je ne veux pas faire la hijra alors qu'il n'a fait aucun effort pour pouvoir faire la hijra, le cheikh dit nous lui disons Allah sait parfaitement quelle est ta situation. Allah sait parfaitement quelle est ta situation. Et ceux qui n'ont pas fait la hijra, alors qu'ils le pouvaient, Allah les a appelés injustes. Il a dit inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant où en étiez-vous, c'est-à-dire à propos de votre religion. Ils diront nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination! Observe donc ta propre personne, et sache qu'Allah sait parfaitement, ce qu'il en est te concernant. Et comme on a dit, le mérite de la hijra est immense. Et elle n'est pratiquée que par une personne qui désire ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense de l'au-delà. C'est pour cela qu'il est rapporté d'un homme de Mecca. Qu'un homme de Mecca est tombé malade. Et il a ordonné à sa famille de le préparer pour l'emmener à Médine. Et lorsqu'ils ont pris la route, en direction de Médine, il est mort. Allah a alors révélé sa parole. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafuran rahima. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah, c'est-à-dire qu'Allah s'est lui-même rendu obligatoire le fait de lui accorder sa récompense. Regarde donc ce mérite immense. Si un homme quitte son pays en voulant la hijra, puis qu'il a un accident de voiture ou d'avion, ou bien qu'il tombe malade sur la route et meurt, ou bien qu'il meurt d'une quelconque raison, qu'obtient-il ? Allah lui inscrit sa récompense complète. Il obtient la récompense complète de la hijra auprès d'Allah. Et ceci son intention est bonne. Et qu'il voue son œuvre sincèrement à Allah. Ceci est donc un mérite immense. Et il faut savoir que le musulman qui vit dans un pays dans lequel il y a de la mécréance ou des péchés, alors il sera sûrement touché par une partie de ces choses, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Et s'il fait la hijra sincèrement pour Allah, alors la hijra effacera tout ce qui précède comme s'il n'avait jamais commis de péché. Le cheikh nous dit « Quel mérite recherches-tu après ce mérite ?» Ceci est le mérite accordé au muhajir, celui qui émigre et qui délaisse les jouissances et les plaisirs de ce bas monde, qui délaisse les beaux paysages ainsi que son commerce et toute autre chose. Alors il obtient ce mérite immense de voir tous ses péchés effacés. Quel mérite le muhajir peut-il espérer après cela? Il est rapporté dans un hadith authentique, d'après Amr ibn al-As, que lorsqu'il est entré en islam, il est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Il lui a dit « Tends-moi ta main, je vais te prêter allégeance ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors tendu sa main et Amr a retiré sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qu'as-tu, Amr ?» Il dit « Je veux émettre une condition ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors ce qu'il voulait. Regarde ce qu'il lui a demandé et médite sur ce que les compagnons désiraient. Il ne lui a pas demandé une chose parmi les biens de ce bas monde, mais il a dit que mes péchés soient pardonnés. Il a demandé qu'Allah lui pardonne ses péchés qu'il avait commis. Il faut savoir qu'avant l'islam, Amr faisait partie de ceux qui s'opposaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Il désirait donc se faire pardonner. Regarde donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Il ne lui a pas reproché ses péchés passés. Il ne lui a pas rappelé ce qu'il faisait auparavant. Mais il lui a dit au Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède et que la hijra efface ce qui la précède et que le pèlerinage efface ce qui le précède. Ceci est donc un mérite immense au sujet duquel beaucoup de gens sont insouciants. Les péchés du muhajir sont effacés. Ceci est un grand mérite. Il fait la hijra puis n'a aucun péché. Le shir fait une invocation et demande à Allah de ne pas priver les musulmans de leur récompense et de ne pas priver les muhajirines de ce mérite immense. Le muhajir se voit même pardonner les plus grands péchés. Le muhajir se voit même pardonner les plus grands des péchés après le polythéisme, à l'exemple du meurtre, comme vu dans le récit de l'homme qui a tué 99 personnes. Jabir a rapporté que Tufayl ibn Amr est un jour venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a proposé une grande forteresse qui appartenait à la tribu de Daous avant l'islam. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé car Allah avait réservé cela aux Ansar, c'est-à-dire le fait qu'il émigre chez eux. Par la suite, lorsque le prophète émigra à Médine, Tufayl ibn Amr et un homme de son peuple ont émigré, mais ils n'ont pas apprécié Médine. Cet homme qui avait émigré avec Tufayl est alors tombé malade et il n'a pas patienté sur la maladie. Il a alors pris des flèches avec lesquelles il a coupé ses phalanges et ses mains ont saigné jusqu'à ce qu'il meure. Tufayl l'a ensuite vu en rêve avec une belle apparence, mais avec les mains couvertes. Il lui a alors dit dans son rêve, « Qu'est-ce que ton Seigneur a fait de toi ?» Il répondit, « Il m'a pardonné en raison de ma hijra vers son prophète. » Il lui demanda ensuite pourquoi ses mains étaient couvertes. Il répondit, « On m'a dit, nous ne les restaurerons pas, car c'est toi qui les as détériorées. » Tufayl ibn Amr ensuite raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Ô Allah, pardonne aussi à ses deux mains. » Certains savants ont dit qu'il se peut que ceci soit spécifique à ce compagnon, mais la grâce d'Allah est immense et il l'accorde à qui il veut. On voit donc que la hijra permet aux serviteurs d'atteindre ce mérite immense. Parmi les mérites de la hijra, il y a le fait qu'elle compte parmi les meilleures choses de la foi, comme il est venu dans le hadith de Amr ibn Abasa, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que l'islam ? Il répondit, que ton cœur se soumette à Allah et que les musulmans soient à l'abri de ta langue et de ta main. Il lui demanda ensuite Quel est le meilleur islam ? Il répondit, la foi. Il demanda, qu'est-ce que la foi ? Il répondit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en la résurrection après la mort. Il demanda, qu'est la meilleure foi ? Ou qu'est-ce qui est meilleur en termes de foi ? Il répondit, la hijra. Il demanda, qu'est-ce que la hijra ? Il répondit, que tu condamnes le mal. Ici, le mot mal englobe tout mal. Que ce soit un lieu, un acte, une personne ou autre, tu dois délaisser le mal. Celui qui fait le mal, les endroits où on fait le mal, etc. Tout ceci est compris par cette phrase. Parmi les mérites de la hijra, il y a le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari, qu'Allah l'agré, qui a dit, le prophète Mohammed a dit, la prière est dirigée par celui le meilleur en lecture du livre d'Allah, et s'ils sont égaux en lecture, alors que leur dirige la prière le plus ancien dans la hijra, s'ils sont égaux dans la hijra, alors que leur dirige la prière le plus âgé. Regarde donc le mérite du muhajir, s'il a appris la science et le Coran, il est alors mis en avant sur les autres. Parmi les mérites de la hijra, il y a qu'elle fait partie des choses les plus immenses qu'a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un long hadith rapporté par Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous ordonne 5 choses. Et parmi ces 5 choses, il a dit la hijra. C'est donc une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. De même que la hijra d'un pays mécréant à un pays musulman est une œuvre qui n'a pas d'équivalent. Et on parle ici de celui qui fait la hijra légiférée selon ses conditions et ses règles et avec la bonne intention. Il est rapporté que Abu Fatima a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une œuvre à laquelle se tenir et à mettre en pratique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, fais la hijra car elle n'a pas d'équivalent. Fais la hijra car elle n'a pas d'équivalent. Et il me semble que ce hadith est dans Sahih al-Jami'a de l'imam al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi les grands mérites de la hijra, il fait partie des droits du muhajir sur Allah qu'il le fasse entrer au paradis s'il fait la hijra de manière légiférée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable s'assied pour l'enfant d'Adam sur son chemin. Il s'assit pour lui sur le chemin de l'islam. Le sens du hadith est qu'à chaque fois que l'enfant d'Adam veut faire une œuvre pieuse, le diable essaie de l'en détourner et s'assit pour lui sur son chemin pour l'empêcher de prendre ce chemin. Il s'assit pour lui sur le chemin de l'islam. C'est un mécréant, mais il veut entrer dans l'islam. Allah lui ouvre la poitrine à l'islam. Le diable vient alors en lui disant, tu vas entrer en islam et délaisser ta religion. Tu vas entrer en islam et délaisser ta religion et la religion de tes ancêtres. Comment peux-tu entrer dans la religion de ces gens-là? Il dit ensuite dans le hadith, il lui désobéit alors et entre en islam. C'est-à-dire que ce serviteur a désobéi au diable et est entré en islam. Il s'assied ensuite pour lui sur le chemin de la hijra. Il veut faire la hijra, c'est-à-dire qu'après être entré en islam, il voit qu'il ne peut pas pratiquer sa religion ni se soumettre aux ordres de son Seigneur, qu'il ne peut pas éduquer ses enfants, etc. Le diable lui dit alors, tu vas émigrer et délaisser ta terre et ton ciel, c'est-à-dire tu vas délaisser cette vie à laquelle tu t'es habitué dans ce bel endroit, au beau temps, et ainsi de suite. Il lui rappelle les bonnes choses présentes dans son pays afin de le détourner. Il lui suggère ces choses dans son cœur afin de le détourner. Tu vas émigrer et délaisser ta terre et ton ciel. Tu vas délaisser ton commerce, ton argent, tes amis et tes connaissances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, il lui désobéit alors et émigre. Il fait ensuite la même chose pour la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tente de le détourner de cela, mais il lui désobéit et lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit enfin, celui qui fait cela et meurt, alors c'est un devoir pour Allah de le faire entrer au paradis. C'est-à-dire un devoir qu'Allah s'est imposé à lui-même. Regarde donc mon frère ce mérite immense et rappelle-toi que ce bas monde est éphémère et temporaire. La richesse est suivie de la pauvreté, la santé par la maladie, la puissance par la faiblesse. Et les mérites de la hijra sont nombreux. Et parmi les mérites des muhajirin, il y a le fait qu'ils entreront parmi les premiers au paradis, comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sais-tu qui est le premier groupe à entrer au paradis parmi ma communauté ?» Il dit, « Allah et son messager savent mieux. » Il dit alors, « Ce sont les muhajiroun. » Ce sont les muhajiroun. Ils viendront au jour de la résurrection devant la porte du paradis et demanderont son ouverture. Les gardiens leur diront alors, « Avez-vous déjà été jugés ?» Ils diront, « Sur quelle chose serions-nous jugés ? Nos épées étaient sur nos épaules sur le sentier d'Allah jusqu'à ce que nous mourions sur cela. » La porte leur sera alors ouverte et ils s'y reposeront durant 40 ans avant que les gens y entrent. Le cheikh termine en disant, « Ceci est ce que j'ai pu mentionner à ce sujet. » Et nous demandons à Allah la réussite et le succès, ainsi que d'être tous guidés et orientés, et qu'il nous facilite tout ce qu'il aime, et agrée qu'il facilite la hijra aux musulmans, et qu'il nous raffermisse, ainsi que sur l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc ensuite, il y a eu des questions-réponses, il y en a eu deux. Donc, la première. Nous savons d'après les paroles de nos savants que la hijra dans la langue arabe est synonyme du délaissement. Celui qui accomplit la hijra dans le sentier d'Allah, mais qui passe la majorité de son temps en terre de mécréance, afin de travailler une longue durée, tout en laissant sa famille et ses enfants en terre d'islam, et qui fait de cela une habitude. Celui qui agit ainsi est-il considéré comme un muhajir, alors qu'il passe la majorité du temps en terre de mécréance? Donc le cheikh y répond. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde le salut. Celui-ci n'a pas compris le sens de la hijra, ni sa réalité. Il n'est pas permis aux musulmans qui a accompli la hijra des pays mécréants vers les pays musulmans, seul ou avec sa famille, il ne lui est pas permis de retourner en pays mécréant. Il se doit de rester dans le pays vers lequel il a fait la hijra. Ceci est obligatoire pour lui. Donc celui qui fait cela est dans l'erreur, sans aucun doute, et le prophète a interdit tout ceci. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, nous espérons de vous un conseil pour celui qui détourne les gens de la hijra, en prétendant qu'en terre d'islam, il y a de la pauvreté et de l'injustice, et qui décrit les pays mécréants comme étant justes et stables. Puis lorsqu'il est questionné au sujet des troubles présents dans ces pays, c'est-à-dire les pays de mécréance, il répond que l'adoration en période de troubles est meilleure que l'adoration en période d'apaisement. C'est donc pour cela que d'après lui, résider en terre de mécréance est meilleur. Donc le cheikh répond qu'Allah nous accorde le salut. Ce miskin a rassemblé entre deux fitnas, la fitna des ambiguïtés et la fitna des passions. Quant à la fitna des ambiguïtés, il a préféré les pays des mécréants, ainsi que leurs actions et la situation dans laquelle ils se trouvent, comme il le prétend. Parmi la sécurité, la stabilité, etc., il a préféré cela à la situation des gens de l'islam, comme s'il avait perdu sa clairvoyance et ne voyait pas ce qui se passe en terre de mécréance comme décadence, comme injustice, comme mauvais comportement, comme mécréance, etc. Sa parole comporte également la fitna des passions, car il a fait passer ce bas monde avant l'au-delà. Certes, il est possible qu'il soit véridique dans certains de ses propos, en décrivant les pays mécréants et ce qui s'y trouve comme beauté de la nature, vie mondaine, etc. Ceci est pour eux dans la vie d'ici-bas, mais ils n'y demeureront pas éternellement. Quant au paradis et à l'au-delà, c'est la demeure éternelle. Ce mesquine ne discerne pas entre ces deux choses. Il lui est donc obligatoire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ce détournement, du bien. Il est obligatoire aux musulmans de s'écarter de ce genre de personnes, de ne pas écouter leurs paroles. Ils doivent plutôt écouter les paroles de leur Seigneur et de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent écouter ce qui comporte leur bien dans leur religion et leur au-delà. Cette affaire est donc très grave et très dangereuse. Un musulman qui prononce ce genre de paroles, ceci fait partie des méfaits de résider en terre de mécréance, comme nous l'avons mentionné dans la première conférence. Puis le shir a fini son allocution en faisant des invocations. Donc c'est sur ce cours que nous clôturons ce séminaire. Et je profite de l'occasion pour remercier les intervenants, parmi eux le noble Cheikh Abu Youssouf Mustafa Mabram, Hafidhahullah, ainsi que le frère Tariq Abu Abdillah Al-Jazairi, Wafaqahullah, et le frère Abu Abdurrahman Al-Tunisi, Wafaqahullah. Comme nous remercions aussi les frères qui nous ont aidés à l'organisation de ce séminaire et qui ont été une grande cause pour son accomplissement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ce séminaire profitable pour tous les musulmans. Et Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains cours, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite. Et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, les cours, ils seront disponibles sur notre site merkez-alghuraba.com. حياكم الله والله المستعان وبه التكلان سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته